Join me on RIG. RIG. Oh, la marché, c'est vraiment toujours de Nexus. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet et je suis votre hôte jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four numéro 361. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a des moments où ça va pas trop, mais là, quand je suis avec vous et quand je sais que je vais écouter du McCartney en live, et en plus le meilleur live de Paul McCartney, eh bien, tout va bien. Je suis de bonne humeur et j'ai envie de chanter ce que je ferai probablement hors micro. L'album de la semaine, c'est le fantastique Over America, très exactement Wings Over America, sorti en 1976. Je vous ai gâté 15 extraits de cet album-là. Pourquoi ? Parce que c'est un double album, ça méritait qu'on double, qu'on triple les extraits. Et puis surtout, bah, j'ai décidé très arbitrairement que on écoutera 6 extraits de Paul McCartney lui-même en solo, mais d'autres extraits également de Paul McCartney chantant les Beatles sur cet album-là. L'album live, c'était la première fois qu'un album live des ex-Beatles paraissait avec des chansons des Beatles. Et allez, je vous cite. On démarre avec, évidemment, Venus and Mars, Rock Show et Jet. Ça va vraiment donner le ton. Il y aura également Lady Madonna, Let Me Roll It, The Long and Winding Road, I've Just Seen a Face, Magneto and Titanium Man. Allez, on arrête là parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la dose normale. Pour le reste, vous le découvrirez. Voilà. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Est-ce que je vous ai dit que c'était la saga numéro 361? Oui, je vous l'ai dit. Ben voilà, c'est fait. C'est ce soir et c'est jusqu'à 22h et je pense que tout va très très bien. Retrouvez-nous également, si vous souhaitez, sur macaclub.com ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà, bonne soirée à vous tous. On se retrouve principalement sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four parce que c'est là que ça marche le mieux. À nous mettre des extraits de cet album-là, Back to the Egg, en concert, s'il te plaît. Premier extrait, Wings Over America, Venus and Mars, Rock Show, Jet. C'est maintenant et c'est sur RIG. Bonne soirée. We'll be right back. Oh, comme le dit si bien Sophia sur Facebook. Ah oui, on se sent bien. Venice and Mars, Rock Show Jet, ça envoie du lourd dès le début. Et c'est vrai, et le plus dur pour moi, c'est d'arrêter là, de me dire, on ne continue pas ce concert, on va passer à autre chose, parce que ça n'est pas un live fait à Bordeaux, c'est juste l'album de la semaine qui est un live. Et je vous assure que c'est pas évident. Alors il faut mettre une bonne chanson bien lourde derrière pour contrebalancer Paul McCartney. J'ai choisi lui. John Lennon en 1975, Boney Maroney sur RG. need no passport. You don't need no visa. You don't need the dance degree. Don't you have a great you can't see Jesus. If you open up your heart, see it right there. Need no church house. Là, je vais me livrer à une sorte de saut sans filet extrêmement difficile parce que je vais essayer de vous traduire ce que dit George Harrison à propos de cette chanson, « Waiting on You All », à propos de choses que je ne comprends pas moi-même puisque je suis athée. Donc, c'est à propos de la méditation du yoga japa qui fait une répétition de mantra. Un mantra, c'est l'énergie mystique qui est dans la structure du son. Et chaque mantra contient à l'intérieur une vibration et un certain pouvoir. Ils sont construits de 15 lettres de l'alphabet sanskrit, le langage des dieux, et ça oriente votre esprit vers la concentration de l'énergie spirituelle suprême dans un chakra du corps. Je n'ai pas compris. Si vous comprenez, tant mieux. La plupart des chakras de Japa, pour Japa, utilise tous les noms de dieux et les mahamantras qu'on prescrit sont assez faciles et c'est la meilleure façon d'atteindre Dieu, la réalisation de Dieu à cet âge-là. Voilà. Non, on peut aussi reconstruire les atomes dans le corps et faire de la vie quelque chose de sublime. J'ai rien compris. Néanmoins, c'est ce que disait George Harrison à propos de ça. Et pour contrebalancer à nouveau, quelque chose de beaucoup plus simple. It's all down to Good Night Vienna. Le bon vieux Ringo sur RG. 1 and 2 and 1, 2, 3, 4. She made me uptight. Ha ha ha. I'll come a butcher with. Sur le 33 tours, c'est séparé en deux parties. Sur le 45 tours de l'époque, en 1974, c'est en une seule, comme vous venez de l'entendre. It's all down to Goodnight Vienna, Ringo Starr. Il y a quelques instants, je vais vous parler maintenant, puisqu'on a écouté tour à tour McCartney, Lennon, Harrison et Starr, je vais vous parler des Beatles, donc de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la directrice du Beatles Magazine à Londres, et grâce au Beatles Magazine, vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les tournées de Paul, celles de Ringo, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en vous rendant sur BeatlesMagazineUK.com. BeatlesMagazineUK.com, c'est présent sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur d'autres plateformes. Allez-y, et vous verrez même une rubrique sur laquelle on parle des animateurs qui font des émissions sur les Beatles, qui sont connus par Lovely Rita, évidemment. Et nous sommes dedans. Donc voilà, allez-y, BeatlesMagazineUK.com, c'est moi qui vous le conseille. Merci Lovely Rita. Retour à l'album de la semaine Wings Over America, Lady Madonna et Let Me Roll It. À la suite sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Learns to tie his bootleg. Chanson à l'origine datée de 1973 et l'album Ben on the Run, et il avait voulu imiter John Lennon, et c'est assez réussi, la voix en écho, le côté des riffs qui reviennent, etc. Comme McCartney est un caméléon, il sait imiter tout le monde et il le fait avec un très très grand talent, parce que il le fait en faisant du Paul McCartney. All right, boys. Tiens, la voix en écho. Over the hill. Bring on the Lucy, John Lennon en 1973 sur l'album Mind Games. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h. You're making all our decisions. Pascal, je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. J'aime cet album de 1976. L'album s'appelle 33 and One Third. Pas facile à dire. Faut pas qu'il manque des dents sur le devant parce que ça siffle. Et il s'est appelé 33 et demi. Pourquoi? Parce que, et un tiers. 33 et un tiers. Parce qu'à l'époque du 33 tours, George Harrison avait, à l'époque de la sortie de cet album-là, George Harrison avait à peu près 33 ans et un peu plus. Et la vitesse de révolution du vinyle, si vous vous en souvenez, pour les plus anciens, c'était 33 tours, un tiers à peu près. Donc, jeu de mots, humour totalement britannique, humour de George Harrison et surtout très très bon album que l'on vous conseille ici à la saga des Fab Four. Merci à vous d'écouter 90.7 pour ceux qui écoutent sur la FM. Pour tout le reste du monde, c'est www.rigfm.fr. On revient à ce merveilleux album de la semaine avec The Long and Winding Road, I've Just Seen a Face et Magneto and the Titanium Man à la suite, comme si on était en concert. Thank you. try, but still they lead me back to the long and winding road. You left me standing here a long, long time. Elle nous a fait ce coup de tout à la basse. Vous êtes bien sur RG, c'est la saga des Fab Four numéro 361 et l'album de la semaine, c'est Wings Over America. Talking about you, baby. You wasn't my- Concrétisation logique de l'énorme succès de sa tournée mondiale de 75 et 76, Wings Over America sera le premier album live de McCartney avec son groupe. Trois disques seront nécessaires pour graver l'intégralité de ses mémorables concerts durant lesquels il osa pour la première fois ressusciter le fantôme des Beatles. Six chansons, dont Paul est l'auteur, seront donc tirées de leur répertoire. Elles côtoieront ici l'impressionnante série de hits alignés depuis 5 ans par McCartney qui, fort de son succès actuel, a définitivement réglé ses comptes avec le passé et se permet donc quelques flashbacks en toute sérénité pour la plus grande joie d'un public qui n'en espérait pas tant. Mais le succès de la tournée pharaonique des Wings et ce triple album ne doit surtout son ampleur qu'à son riche répertoire et à la vigueur d'une formation qui ne doute alors plus de son fort potentiel. Les Wings ont accumulé les disques d'or depuis quelques années, enchaînant hit après hit et pas des moindres. À la force du poignet et avec l'opiniâtreté qu'on lui connaît, Paul McCartney a finalement remporté un pari auquel lui-même ne croyait peut-être pas. Ouvrir un nouveau chapitre de sa propre carrière, se créer une nouvelle identité musicale et faire un peu oublier les Beatles. Naturellement, bien des fans du groupe l'ont suivi, mais il a d'évidence su capter une audience rajeunie et enthousiaste et se faire adopter par un nouveau public. On peut presque évoquer une Wingsmania tant ce groupe aura commercialement dominé la scène musicale du milieu des années 70, affichant des résultats dont les Beatles eux-mêmes n'auraient pas eu à rougir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cet album-là. La suite, ce sera un petit peu plus tard. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur rigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. J'avais averti. After all these years, Ringo Starr sur RG. We didn't have the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness now, the road don't seem so long. After all these years, rock and roll has got a reputation. Bad boys cause a lot of fear. But I never meant to really hurt you. Oh no, no. It's in my blood, it's in my blood. Ooh, but you know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night. It's understood, it's understood. When every boy and girl is rocking all over the world. Raison,

1976, officiellement, c'était la première fois qu'il reprenait cette chanson-là depuis donc 10 ans, et plus de 10 ans, et, mais si, les dernières tournées, je me souviens plus si en 66 il avait chanté Yesterday, probablement, peut-être, je n'ai pas cette liste sous la main, bref, ça a dû faire plaisir à beaucoup beaucoup de monde, et de toute façon, quand on voit ce créateur chanter ça sur scène, ça fait toujours quelque chose, surtout quand on le voit pour la première fois. J'ai le souvenir de 1989, la première fois que j'avais vu Paul McCartney, lorsqu'il avait démarré Hey Jude, par exemple, je me disais, bon sang, je suis devant celui qui a créé ça. Après, ça passe un peu, ce sentiment, on aime bien, mais on aurait aimé des chansons un peu plus des Wings, un peu plus de Paul McCartney, mais bon, c'est bien quand même, c'est très bien, et c'est toujours la première fois de quelqu'un à un concert de McCartney. Le dernier que j'avais vu, concert de McCartney, il y avait une petite jeune qui disait, qui m'avait dit, eh ben, moi, je vais voir Paul McCartney pour la première fois aujourd'hui. Et moi, c'était ma 6e ou 7e, je ne sais plus. Allez, une chanson douce que me chantait ma maman, je savais que vous allez le dire, c'est George Harrison qui la chante, Dark Sweet Lady, sur l'excellent album qui s'appelle George Harrison, en 1979. De l'album de la semaine. Dans une palette stylistique très équilibrée, le show privilégie néanmoins les séquences sous haute tension et les titres phares de Ben on the Run et Venus and Mars s'y prêtent à merveille. Les guitares fusent sur Rock, Show, Jet, Medicine Jar ou encore Spirits of Ancient Egypt. La basse de Paul se fait lourde et enveloppante sur Let Me Roll It et Letting Go, tandis que l'atmosphère explose durant le moment le plus spectaculaire du show, l'interprétation assourdissante de Live and Let Die, déjà assortie de feux d'artifice et d'effets stroboscopiques épique, époustouflant. Ce déchaînement de Watt est entrecoupé d'une plage acoustique vraiment fabuleuse qui emprunte à Simon & Garfunkel l'excellent Richard Corey, chanté ici par Danny Lane. Paul y délivre aussi les perles que sont I've Just Seen a Face, Blackbird, l'incontournable Yesterday et Picasso's Last Word que McCartney n'interprétera plus jamais par la suite. Après cette accalmie de guitare sèche, retour au rock avec des extraits en avant-première de Wings at the Speed of Sound, Beware My Love, Silly Love Songs, Let Them In. Le coup de grâce final viendra avec une version sous haute tension de Hi Hi Hi, avec enfin l'inédit Soily du heavy rock sauvage sous haute tension qui laissera abasourdi un public pourtant déjà conquis. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cet album qu'il vous faut absolument avoir, surtout dans la version remasterisée, elle est absolument géniale. Je vous propose Live and Let Die sans les feux d'artifice parce que je n'aime pas ça, et on va enchaîner avec la cover, vous comprendrez après pourquoi. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. ce titre fantastique qui a fait office de cover, puisque après tout, c'est bien des gens connus qui ont pris une chanson de George Harrison. Et quels gens connus ? Il y a du Paul McCartney, il y a du Danny, son fils. You're my dad's dearest friends. I love you guys so much. Il est en train de dire qu'il remercie tout le monde et que ces gens-là sont les meilleurs amis de son père. C'est Danny qui parle, donc il remercie tout le monde. Wawa à l'instant, donc avec, je ne sais plus ce que j'ai dit, avec Eric Clapton, Jeff Lynne, Paul McCartney, Tom Petty, bref, tout le monde était là pour ce titre-là. Et c'est, j'adore ça, là quand on voit, il y a au moins 3 batteries, il y a je ne sais pas combien de guitaristes en train de jouer en même temps, avec un mur de son, mais mur de son en live, en direct, pas de re-recording, c'est génial, c'est absolument génial. J'adore, j'ai envie de faire un live, peut-être qu'on fera ça la prochaine fois, ou dans pas très longtemps, qui sait. Avec moi. Do the Oz, c'était un 45 tours de John Lennon. Vous êtes bien sur RIG 90.7, www.rigfm.fr. John Lennon, à l'instant, sur RIG, je vous propose de revenir. Est-ce que c'est la dernière? Non, il y en aura encore 1, 2, 3, 4, 5 extraits de l'album de la semaine, dont celui-ci, Band on the Run, sur RIG. C'est en 1976, sur l'album Wings Over America, et de mon avis, c'est son meilleur live. Sense inside forever. Allez, la chanson suivante, c'est pour faire plaisir, parce que j'ai mes petits chouchous comme ça, pour faire plaisir à Julie et à vous aussi. Une impro, soi-disant, mais quelle belle impro. India sur RIG, Paul McCartney. cette chanson. Paul McCartney, toujours là. J'adore, j'adore. J'espère que vous l'avez chanté, vous aussi. Et ça, extrait de l'album Wings Over America sur RIG. Voici Letting Go, la basse qui roule. La basse qui roule, la basse pas mousse, dirait Philippe. Faites passer le titre entier, quoi, l'album entier. Je vais plus avoir de voix à la fin de de l'émission. Je chante toutes les chansons de Paul McCartney, micro fermé, heureusement quand même. Allez, j'ai fait exprès de parler parce que le titre suivant ne va pas faire plaisir à seulement l'un d'entre vous, même si bon, il doit supporter. Voici extrait de Postcards from Paradise, son album de 2015, Island in the Sun. Ringo Starr sur RIG. Bientôt en concert. J'irai le voir à l'Olympia et ce sera très bien.

of sinners, I have been employed, working there till I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored, but he held on to my own biblical cord. Until a ghost of memory trapped in my body mind came out of hiding to become alive. Se lève, ce sera tout à l'heure à 22h avec Eric qui représente le soleil et qui viendra faire son émission Johnny de A à Z. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Gonna get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. briller comme la lune, comme les étoiles et comme le soleil. Dans quelques secondes, on enchaîne trois titres de Wings Over America. Listen to what the man said, Beware my love et Hi, Hi, Hi. Vous n'allez pas dire que je vous gâte. Pas, que je vous gâte pas. Encore d'un cran. Érigé, on monte l'écran. Message. nasty bit of rock and roll. Pour une prochaine fois. Merci à vous d'être resté sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Dans même pas une minute, ça va devenir la radio de Johnny Hallyday avec l'excellent, un de mes maîtres, Eric, aux commandes. À très très bientôt. Salut, ciao.